clair que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Et salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du comics, comme vous venez de l'entendre dans notre nouveau générique. Ça fait vraiment super plaisir de revenir pour cette petite rentrée après 2 semaines de vacances. Vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier, sur le 102.2, et je suis avec mon équipe magnifique et sémillante, avec Faye. Salut Faye. Bonjour et puis bonne année à vous, chers auditeurs. Oui, bonne année à toi, oui. Merci, à toi aussi, James. Et bonne année aux auditeurs. Et avec Mathieu aussi, salut Mathieu. Salut à tous, bonne année aussi. Et comme nous sommes dans l'émission des premières, puisqu'un nouveau générique, une nouvelle année, et cette, nous avons la première émission avec un invité, et c'est Juni. Salut Juni. Salut, bonne année. Bonne année à toi aussi. Bonne année à toi, et on va commencer. Est-ce que vous, quand même, avant toute chose, est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes? On a trop mangé. Ouais, elles se sont un peu finies tristement. On en parlera après. Donc, tout le monde a passé de bonnes fêtes et on va commencer les news alors. Petit générique des news. Et ce générique est toujours aussi bien. Non, ça fiche les jetons en fait, hein, l'impression qu'il s'est passé un truc quelque part. Quoi. Ouais, genre Trump président, tu vois. Ouais, un truc horrible. Et ben non, je vais vous parler de Judge Dredd. Qui est rendu que Weta, un petit éditeur français, va lui rendre hommage, et pas Weta comme ouais, tu le penses. J'allais réagir, mais je me suis retenu quand j'ai entendu éditeur français. Non. Je me suis dit, ça va pas de ça. C'est Weta Sony, je crois qu'il s'appelle. Sunnyside. Donc ils ont annoncé qu'ils allaient rendre hommage à Judge Dredd avec trois albums autour du personnage le juge le plus badass de tout l'univers comics, et le plus stallonien aussi, on pourrait dire. Est-ce qu'on peut non, le dire? Non, Carl Urban. Carl Urban, d'accord. Tu votes pour Carl Urban? Ah bah oui. Carl Urban de ce côté là, Dredd. Moi j'aime bien la vieille version avec Stallone. Et toi Johnny, Carl Urban ou Stallone? Mouille-toi. Attention. J'ai envie de voter Stallone par principe, mais d'accord. Je vais prendre Carl Urban. D'accord, bon bah. C'est bien que c'est pas mouillé. Moi j'ai pas dit, j'ai endormi devant Dredd, donc je vais voter Stallone. Ah mais d'accord, allez, ça commence. D'ailleurs. Donc, il y aura 3 comics autour de Judge Dredd. Le premier c'est Judge Dredd Alien Infestation par John Wagner, le co-créateur du personnage. Andy Deagle est dessiné par Henry Flint, qui sortira le 12 février. Est-ce que tu as lu ce petit crossover? Non, moi j'ai commencé à lire les intégrales qu'avait fait Soleil, que ces petits salopios ont arrêté au bout de 4 volumes. Ouais. Les spéciaux comme ça, non, je les ai pas trop lus, mais Judge Dredd et Alien, forcément on va acheter. Et le 12 avril, tu auras droit à un autre Judge Dredd, c'est Judge Dredd et Predator, donc dans Confrontation. Et mon petit poney. Non, ce sera encore écrit par John Wagner et illustré par Enrique Alcatena, Judge Dredd Predator. Pourquoi pas? J'ai une vision de Stallone en train de se battre contre un prédateur et un alien, mais c'est tellement drôle dans ma tête. Il n'y a pas le petit poney aussi? Non, il n'y a pas le petit poney. Et le troisième, c'est encore du prédateur dans Extermination. Et cette fois, c'est écrit par John... C'est contre les Daleks, c'est ça? Non, c'est contre les Predators. Predator, on reste sur Predator. C'est Predator contre Predator? Non, c'est Judge Dredd contre Predator encore une fois. Ah, d'accord. Deuxième round. Ouais, deuxième round. Et c'est écrit par John Lehman et dessiné par Christopher Mooneyham. Ils ont vraiment des noms chiants. Mais tu sais ce qu'ils ont fait ces gens-là un peu pour ceux qui connaissent? Non, j'ai pas noté. John mais Lehman, tu sers à rien en John fait. John Lehman, il a pas fait du comics. Du comics, ouais, ouais. Il a fait des comics. Ouais. Il a fait il a fait Detective Comics avant les New 52, juste après, je crois. C'était pas mal, c'est un petit jeune. J'aime bien ce qu'il avait fait. Ouais. Je lirai, je pense. Ouais. Bon bah. C'était assez badass. Donc on achètera peut-être les comics de Weta avec 2 T, pas avec un T. D'accord. On précise pour Faye. J'ai failli révéler ton identité secrète. On passe à une autre news. Non, ça aurait été la fin de l'émission. Ouais, elle serait partie, elle aurait droppé son mic et puis. Ouais. Voilà. Donc c'est une info Batman. C'est Faye qui m'a écrit la news. Elle a écrit info Batman épisode 50. Bah oui, ça arrête pas. Attends. Donc c'est Ben Affleck qui a dit qu'il va s'inspirer de LA pour Gotham. Donc c'est un peu bizarre, d'habitude c'est plus Chicago qui est... Ça change. Ouais, on va changer un peu. Mais il nous dit aussi que le film risque de pas se faire, puisque s'il n'aime pas le scénario, et ben il va se casser. Il a raison. Et qu'il le réalisera pas tant qu'il sera pas content du scénario. Mais il a dit qu'il pourrait rester impliqué, donc ça implique peut-être qu'il jouerait dedans, mais qu'il refuserait de le réaliser. Donc c'est un peu bizarre. Et qu'il produirait, parce qu'il le produit aussi, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Donc le film n'a toujours pas de date de tournage. Pas de date... Si, il y a une date de sortie, je ne sais plus comment c'est. Non, apparemment ça a été repoussé justement parce qu'il n'y a pas de date de tournage. Donc c'est vraiment le film, il est en stand-by là. Hein. Donc ça fait très très peur pour Warner. Hein. Je sais pas si vous avez un avis. Non, j'avais déjà peur. Oui, bah à la limite, c'est même plutôt sain que les mecs ne fassent pas un film quand le scénario est pas bon. Ouais, ça serait ouais. bien que beaucoup le fassent. Bah, je trouve que c'est bien que Monsieur Affleck là leur mette un peu les, la tête un peu dans leur caca parce que, comme je le disais hors antenne, Warner, ils ont sont instauré une espèce de ligne de conduite qui ne convient pas à la demande des fans ni à la demande du grand public, mais ils persistent dans cette ligne-là alors qu'il serait facilement, facilement facile. Je dirais, pour dire deux fois facile. En fait, est-ce qu'il ne laissait pas mettre des coups de pression pour voir ce qu'il veut, quoi ? Oh, si, un peu, mais à mon avis, c'est ça. Peut-être qu'il a raison aussi. Il est bankable, Affleck, à mon avis, il n'a pas forcément besoin de ça. Affleck, c'est quand même un bon réalisateur qui est bon aussi d'ailleurs, pour les scénarios. D'ailleurs, il sort un film dans pas trop longtemps. Un film autour de... C'est en janvier, je crois, ou février, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est en février. C'est pas Living by Night ? C'est Living by Night, ouais, autour de la prohibition, tout ça. Ça a l'air sympathique, le trailer donne plutôt envie. On va passer à une autre news. Et moi je vous parlais du Spider-Man version animée. D'ailleurs on en parlait tout à l'heure, enfin on parlait du personnage, puisque c'est pas forcément Spider-Man qu'on connaît, Peter Parker plutôt, que l'on connaît tous, qui sera animé par Sony, mais Miles Morales, qui sera mis en vedette, bon, puisque il cherche des castings de voix pour des Afro-Américains entre 13 et 15 ans, et un Portoricain, donc... Il y a le fils de Will Smith qui peut éventuellement... Oh non, s'il te plaît, c'est bon, pas... bon là, c'est arrêtez avec la famille Will Smith là, non, ouais. Et apparemment, il y aura aussi Spider-Gwen dans le lot. Décidément. Donc, ils essaient de capitaliser sur leur personnage. Mais c'est cool, moi j'aime bien Miles Morales. Je sais pas, t'as un petit avis, Mathieu, sur... Non, j'ai jamais lu. Et toi, Johnny, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Je l'avais trouvé trop lisse. Cela dit, je dois quand même prendre en compte le fait que c'est surtout parce que j'étais traumatisé à l'époque, parce qu'ils avaient viré mon Peter Parker et ils l'ont remplacé par un token, en gros. Effectivement. Et toi Bah pour le peu que je connais, ça me fait ni chaud ni froid. Ok. Voilà quoi. Donc voilà. Comme ça t'en fait chaud ni froid, on passe une news qui va plus te parler. Donc Puffy. Ah t'as peur là. Voilà. Et on va mettre une musique spéciale pour cette news. On va demander à la technique qu'elle nous mette la musique spéciale. Et voilà. Est-ce que vous l'avez reconnue? Est-ce que vous connaissez ces premières notes? Tu aimes nous torturer en fait, hein, c'est ça? Sadique. On t'a rien fait. C'est moche. Donc je pense que je vais laisser celle qui a le plus à dire sur cette news. Oh, je pense qu'il n'y a pas que moi qui ai le plus à dire. Donc voilà, on voulait rendre un petit hommage à Carrie Fisher qui nous a quittés le mois dernier. Le 27 décembre, il y a quelques jours d'une crise cardiaque. Voilà, C'est horrible, mon Noël a été gâché, voilà. C'était pas ses Noël, c'était le 27. Oui, mais c'est quand même. Les fêtes ont été gâchées, voilà. On a perdu une icône, on a perdu une icône féministe, on a perdu une icône de la pop culture, on a perdu une femme de grand talent, intelligente. Cocaïnomane. Voilà, bon, à 16 heures, elle a eu une vie qui était quand même assez difficile, elle s'en est sortie, elle avait beaucoup d'humour, enfin c'était vraiment moi, une personne que j'admirais depuis toute petite avec le personnage de Leia, enfin j'avais écrit un article. Pourquoi tu me montres quand elle parle de Leia? Parce que c'était pour parler de la Michael du Geek, c'est pour ça sur l'article que j'avais écrit. D'accord. Donc voilà, moi je suis super triste et tu voulais peut-être que je parle du fait que dans les comics on va lui rendre hommage. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Parce qu'on va arrêter sur je vais pleurer. Bref, dans les comics Star Wars, elle aura droit à un hommage dans le numéro de Podamron qui sortira au mois de mai. C'est Charles Soule qui va donc sûrement faire un dessin, la faire apparaître dans une scène pour. Charles Soule, il dessine pas, il écrit. Il dessine. Non, il est scénariste. Alors je confonds toujours les dessins, excusez-moi. Donc c'est il va écrire une scène. C'est Finotto qui écrit. Voilà, et donc celui qui écrit Podamron avec. Celui qui c'est dessine. Charles Soule. Non, celui qui dessine. C'est Finotto. C'est Finotto. Voilà, je confonds les deux. Je vais y arriver, les enfants. Chanson, c'est l'émotion. Bon, bref, ils vont faire un dessin. Peut-être qu'ils dessinent parce que ce mec fait tout, donc. Je sais pas. En tout cas, il y aura un hommage. Il y aura un hommage. C'est gentil de leur part. Voilà. Ouais. Mais c'est triste. Et on a aussi perdu sa mère à quelques heures d'intervalle, une très grande actrice que j'admirais aussi beaucoup, qui est dans un de mes films préférés, à part Star Wars, donc qui est Chantons sous la pluie. Donc voilà, c'est fin d'année pourrie, quoi. Est-ce que Mathieu, t'as un petit mot à dire sur juste que j'ai vraiment été étonné de l'engouement quasi mondial qu'il y a eu autour de ce décès-là, vraiment, que ça soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux et compagnie, il y a énormément de monde, pas forcément fans, qui ont mis un petit mot, un truc comme ça. montre vraiment que elle, peut-être même plus que les deux autres garçons, elle a marqué quelque chose à un moment donné dans la culture populaire. C'était assez émouvant en fait de voir que finalement ça a beaucoup de monde qui se sont un peu regroupés autour de ça. Johnny, t'as peut-être un petit mot sur Leia? Alors, Leia en a le même nom, mais dans ce genre de situation, quand on a une star comme ça qui meurt et qu'elle a été surtout connue pour un personnage, souvent le manque, enfin la perte surtout se fait au niveau du personnage. Les gens disent on a perdu Princesse Leia. Et en fait, Princesse Leia, c'est un personnage fictif, mais Carrie Fisher en elle-même, c'est surtout elle qui était un personnage en fait. Et comment dire, le fait d'avoir perdu quelqu'un comme ça qui avait autant de franc-parler, tout à l'heure tu disais que Kylo Ren, c'est un des trucs sur lesquels elle s'est visiblement jamais cachée. Oui. Dans toutes les interviews qu'elle a eues, elle a toujours été extrêmement franche et ouverte, elle a jamais eu peur de dire ce que généralement les autres stars ont. Elle a voulu servir de son expérience et de ses problèmes de santé parce qu'elle était bipolaire, donc elle suivait aussi des traitements qui étaient lourds, qui étaient voilà, des fois assez durs à encaisser, et elle a voulu se servir de ça pour justement aider les personnes dans son cas. Et c'est vrai qu'avec sa mère par exemple, elles avaient des associations et autres concernant ce type de maladie pour aider les personnes qui avaient des problèmes mentaux en fait. Donc voilà, donc tout ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que on n'a pas juste perdu Princesse Leia, on a perdu une personne derrière qui faisait des choses à côté, et justement c'est l'occasion de s'intéresser à toutes les choses qu'elle a faites dans sa vie qu'on ne savait pas parce qu'on s'était juste intéressé à Star Wars jusqu'à présent. Parce qu'elle n'était pas qu'actrice, elle était script docteur également sur vraiment des gros films comme Hook quand même. Elle a même bossé sur la prélogie Star Wars. Bah souvent elle travaillait sur les persos féminins et pour les renforcer un petit peu en dialogue et compagnie. Donc elle, même dans l'ombre, elle a fait pas mal de choses effectivement dans le cinéma. Elle connaissait bien elle son sujet à ce niveau-là. Elle a écrit des romans, elle a écrit vraiment, elle a fait beaucoup de choses. Donc prenez vos ordinateurs et allez regarder ce qu'elle a fait d'autre, parce que c'est tout aussi intéressant, voire même plus, que la princesse d'un film pour enfants que vous avez vu quand vous aviez 6 ans. Elle a fait plus de 90 films, me semble-t-il. Oula. Ok. Ouais. Bon, on va repasser au cours normal de cette émission. On va changer la musique parce que sinon on va pleurer comme des madeleines. Et on va passer aux sorties de la semaine. Et il y a beaucoup de sorties parce qu'on est en début de fin Noël apparemment. Il y a plein de trucs à sortir. Donc on va commencer par Panini qui nous sort Nova 4. Donc qui contient les épisodes US de Nova 2013 du 17 au 22 pour 14€. C'est écrit par Greg Gugan. C'est dessiné par Paco Medina et David Baldeon. Moi j'ai lu le premier tome je crois de Nova, ou je l'ai lu en kiosque, je sais plus. Et c'est vraiment, c'est une série assez sympathique. Je sais pas si tu... Ouais, j'avais lu les premiers aussi, ouais, c'est un tout petit peu kids. C'est assez décomplexé, espace, ça part en tous les sens. Ouais, oui, ça révolutionne pas, mais bon, petit moment de lecture sympa. Ouais. Johnny, je te vois hocher la tête. Non, mais je suis biaisé par rapport à ça. J'ai la figurine de Nova sur sur ma table à côté de mon ordinateur. Donc ce tome, le premier en particulier, j'avais beaucoup aimé. Ouais. Donc bah tout le monde. Je perds mes mots. C'est Nova. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Mais tu l'as pas lu donc. Non, je ne l'ai pas lu. Film d'auto. Attendez, je confonds. Moi, ils se confondent tous pareil. Je vais pouvoir vous pitcher parce que c'est en plein milieu de l'arc, donc ça vous spoil un peu. Donc c'est la suite de ce que vous avez pu lire. Moi je vous le conseille, c'est un petit tome sympathique. On va passer à Amazing Spider-Man 3, le Spider-Verse, qui contient les épisodes US de Amazing Spider-Man tout simplement, le 9 à 15. C'est pour 18€, c'est écrit encore une fois par Dan Slott, donc celui qui dirige un peu tout ce qui touche à Spider-Man chez plus pour longtemps d'après ce que j'ai cru comprendre chez Marvel. Donc c'est dessiné par le grand Olivier Coipel et Giuseppe Camuncoli, je ne sais pas qui c'est. Donc un petit pitch, c'est tous les Spider-Man des univers différents. Donc, vous savez, dans Spider-Verse, vous avez plein de Spider-Man, Spider-Man Gauchon, et Spider-Gwen, qui sont tués et traqués. Et Peter Parker n'a pas le choix s'il veut les sauver. Il va devoir s'associer à Octo Octavius, Spider-Verse met en scène Spider-Man dans toutes ses versions. Donc voilà. Du gros crossover. Spider-Man, c'est toujours frais, c'est toujours sympathique. Oui, mine de rien, Dan Slott, le scénariste, il a été critiqué très très très souvent. Moi j'aime bien Dan Slott. Il est encore à la barre et le peu que j'ai lu, je trouve ça assez frais ce qu'il fait. Après, je suis pas fan hardcore du personnage, donc je vais pas m'offusquer chaque fois qu'il se froisse la cheville sur un toit d'immeuble. Mais ouais, gros crossover, c'est cool. Est-ce que tu l'as lu, Johnny? Une partie. J'ai surtout préféré tout ce qui est... En fait, quand Spider-Verse est sorti aux États-Unis, ils ont fait l'histoire principale. Et à côté, il y avait plein de petits chapitres one-shot sur chacun des différents Spider-Man des univers parallèles. Ouais. Et c'était la partie qui, à mon avis, était la plus intéressante. C'était regarder l'aventure de chaque personnage. Il y en avait un qui était un peu rempli de références aux animés, par exemple. Il y avait des personnages d'Evangelion qui marchaient dans la rue, ce genre de trucs. Il y en avait un qui était en Afrique, qui devait trouver des moutons, un troupeau de moutons, parce qu'ils appartenaient à un monstre. Enfin, chacun d'entre eux avait son univers. Il y avait un Spider-Man punk en Angleterre. C'était la partie la plus fun, en fait. Ok, bon bah pourquoi pas. Et on va passer encore dans Spider-Man. C'est avec Spider-Gwen, excusez-moi, tome 3, qui contient, alors là, en fait ils ont pris tous les trucs où apparaissait Spider-Gwen et ils l'ont mis dedans, puisque vous avez du Spider-Man Alpha Omega, Spider-Woman Alpha Omega, Spider-Gwen, Silk et Spider-Woman. Donc plein de trucs. C'est dessiné par trop plein de monde, dont Bengal, et il y a Jason Latour qui écrit, je crois, aussi. Donc c'est Gwen Stacy, dans sa version Spider-Man, Silk, Spider-Woman, qui sont liés d'amitié après Spider-Verse et qui vont devoir s'allier pour taper des méchants. Moi j'ai un peu de mal avec les trucs où il y a trop de séries en même temps. Ça me pose un peu. En plus, c'est pour 22€, c'est un peu cher. Enfin bon. Ouais, à mon avis, si t'as pas lu ce qui se passe avant, ça va peut-être. Ouais, un peu tu vas être super perdu. Ouais, ouais, surtout si tu connais pas trop. C'est pas trop le titre. Mais Bengal, c'est joli. Voilà. Ouais, mais bon, si t'achètes un comic juste parce que c'est joli, faut quand même qu'il y ait une histoire derrière. Je connais certaines personnes qui ça ne gênerait pas. Mais tu vois, moi, ça va être plus l'histoire d'abord qui va être important que le dessin, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je. Ok. Et on va passer à une autre série encore, c'est Jessica Jones The Pulse, alors qui contient les épisodes US de The Pulse et de New Avenger du 1 au 14 et le New Avenger annuel 1. Donc c'est pour 18€, c'est écrit par Brian Michael Bendis, c'est dessiné par Mark Bagley. Donc Mark Bagley, vous connaissez peut-être pour justement ce qu'on parlait tout à l'heure, Ultimate Spider-Man. Il y a du Quapel aussi dedans et Michael Geddos. Donc c'est Jessica Jones qui est engagée par le Daily Bugle en tant que reporter d'investigation, et les cibles de ces enquêtes sont les super-héros et leurs ennemis. Et au programme, là, vous allez avoir Luke Cage, Nick Fury et Norman Osborn. Donc ça peut être assez sympathique. Ouais, s'ils sortent sur la série, quoi. Ouais. La série de base avait été lancée, enfin, était basée sur le comic justement de Bendis et de Michael Geddos. La série est sortie, ils refont un comics derrière. Ouais, ça veut pas dire que c'est pas bon, mais bon, c'est petit clin d'œil. Faut voir, je pense, journaliste. Ouais. Après, moi j'aime bien en général ces histoires un petit peu décalées sur les super-héros où justement t'as pas forcément des gros mecs costauds et t'as un peu l'envers du décor. La première série a été bien, Jessica Jones, elle est allée enquêter sur Captain America qui visiblement était pas forcément blanc, et c'était du coup un peu politique, un peu sombre, un peu différent. C'est bien. On va passer à un truc complètement différent et qui va beaucoup parler, je pense, à Faye, puisque c'est Howard le canard, tome 2, alors qu'il contient les épisodes US de Howard The Duck de 1 à 6 et de Unbeatable Squirrel Girl, je sais plus c'est quel numéro parce qu'il y a un truc par dessus. Donc c'est pour 17,50, c'est écrit par Chip Zdarsky et c'est dessiné par Ryan North. Non, c'est écrit par Chip Zdarsky et Ryan North et dessiné par John Kimones et Erika Anderson. Et donc c'est le détective privé Howard The Duck, travaille maintenant avec May Parker Jameson. Elle travaille avec avec Tante May. Et pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Et la métamorphe Sarah Tam. Parce que Tony Stark la drague. Je ne sais pas. Alors qu'il est kidnappé par Kraven le chasseur, c'est à une autre femme qu'il demande de l'aide, à Squirrel Girl. Donc tu l'as très mal vendu. Howard le canard qui rencontre Squirrel Girl. Le film est très mauvais. J'ai lu quelques comics parce que je me suis dit quand même, après cette hécatombe, le comics doit être quand même mieux. Alors c'est un peu mieux, mais c'est pas terrible quand même. Enfin, je comprends pas le. Ouais. L'intérêt de ce personnage. Je pense qu'on n'en a pas grand chose à dire. On a dû rater un truc. Ouais. Je sais pas, ça me passe. On va passer enfin un tome 1. C'est All New Silver Surfer, tome 1, qui contient les épisodes US 1 à 6 de Silver Surfer. C'est encore écrit par Dan Slott et c'est encore dessiné par Michael Red. Ça fait un moment qu'ils sont sur le personnage. Ça fait un moment que ça dure. Et donc, c'est le Silver Surfer qui montre l'univers à sa pote Dawn Greenwood. Et il va lui montrer la Terre, apparemment. Et voilà. Et c'est une série très très indé, très bizarre. Je crois que tu m'as offert le premier tome de l'ancienne série. toujours avec Michael Red et avec Dan Slott. Et c'était assez spécial. Oh, c'était pas mal, tu me l'avais passé. C'est ouais, faut aimer le style. Ouais, mais c'était pas mal. Ok. On te dit que c'est pas mal. On dit que c'est la ferme. Je te dis que c'était pas mal, merde. Donc on va passer encore à du Panini avec Venom tome 2 qui contient les épisodes US de Venom 6 à 12 et Amazing Spider-Man 672. Donc c'est écrit par Rick Remender. Je connais ce nom. J'achète. Ouais. Dessiné par Tom Fowler et Stefano Casali. Rick Remender, il a fait. Il a fait Uncanny X-Force, Black Science, il est sur. Ouais, pensez à rappeler à nos amis qui ne connaissent pas trop, qui mélangent les dessinateurs et les scénaristes comme moi. Donc, c'est les aventures de Venom. Vous connaissez tous Venom. Mais cette fois, il est incarné par Flash Thompson, qui est agent du gouvernement et qui va devoir se battre avec. Venom, c'est le symbiote noir, méchant Spider-Man. Oui, voilà. Et maintenant, il est gentil. Oui. Voilà. Et il fait des trucs pour le gouvernement. Qui était joué dans Spider-Man 3 par Topher Grace. Exactement. Voilà. Je pense qu'il fallait pas le dire. Oui, mais bon. On va vite passer sur ça. C'est parce que j'aime bien l'acteur. Hulk 3, donc si vous avez envie de. C'est assez cool parce que c'est dessiné par Matteo Scalera et Manu Dasrar, qui sont deux grands dessinateurs. Et c'est écrit par Mark Waid. Ça contient les épisodes US 2, Indescriptible Hulk 11 à 15, excusez-moi. Et c'est le Shield qui envoie Hulk dans une mission périlleuse. Il doit protéger la Terre face à des anarchistes temporels. Donc c'est du Hulk. C'est Trump non qui a envoyé. Je sais pas, c'est bizarre. Mais Matteo Scalera sur du Hulk, ça peut être sympa. Oui, c'est curieux parce que c'est très. C'est, ouais, c'est vachement indé, c'est très européen. Les anarchistes temporels, ça me laisse un peu dubitatif. Ouais. Est-ce que Johnny, t'as un petit. Ah, moi je suis vendu. T'as vendu oui, du rêve. Surtout l'idée en fait du graphisme de Scalera sur du Hulk, ça doit être énorme. Et oui, le concept des anarchistes temporels, ça me fait un peu penser à l'épisode de South Park avec les travailleurs du futur là, mais pourquoi pas. Putain, c'est vieux, ça, je me rappelle plus lequel. Ouais, je regarde pas. Si ça me parle, Et on va finir ces news avec Invincible, excusez-moi, tome 20, Ami et Allié. Donc c'est la suite du comic de Robert Kirkman et de Ryan Otley. Donc c'est un comic assez cool. Si vous en avez marre des univers un peu de Marvel et DC, c'est un truc assez sympa. Ça sort 6 Delcourt pour 15,95. Et je pense que moi j'ai lu les premiers tomes et c'était assez sympathique. C'est un univers assez sympa. Robert Kirkman, il fait des trucs assez cool sur son univers, donc je vous le conseille. Est-ce que tu es du mon avis, Mathieu? J'ai pas lu, mais j'ai entendu du très très bien sur Invincible. Est-ce que tu as lu Invincible? Oui, j'en ai lu une bonne partie, et effectivement, en fait, c'est un peu comme un univers super-héros en plus violent, et il y a un peu ce côté fun sans vraiment réfléchir, en fait. Donc c'était surtout très relax à lire. Par contre, c'est extrêmement sanglant, donc oui, soyez prévenus. Ok. Et on a fini sur les news et on va passer juste avant, parce que je voulais le faire en début, mais j'ai oublié. On va demander à notre cher ami Mathieu, parce que je sais pas si vous vous souvenez, on a fait un concours sur Facebook pour gagner des comics et des packs. Tu avais rappelé sur Facebook qu'il fallait bien écouter pour entendre qui c'est qui gagnait. Non, j'ai oublié de le dire. De toute façon, tu vas le remettre sur Facebook. De toute façon, je le dirai après sur Facebook. Mais déjà, on va faire le tirage au sort. Est-ce que Mathieu, tu peux me tirer deux petits papiers? Alors pendant qu'il tire, je rappelle qu'il y avait deux gagnants possibles, ouais, pour gagner un coffret qui sera à retirer à Planète Interdite si vous êtes sur Montpellier. Il n'y a pas un roulement de tambour. De toute façon, vous nous contactez par MP ou email. Ouais. Alors. Mais de toute façon, je le mettrai sur Facebook. Premier, Mathieu. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Non, je déconne. Laura Duval. Ok. Laura Duval. Bravo. Et deuxième. Bravo mademoiselle. Second monde. Il est bien plié celui-là. Mathieu, je parie. L'Oscar va à Mathieu. Will Smith pour non. Boubou le vrai. Ok. Voilà. Okay. C'est un nom. D'accord. Oui, donc c'est un DJ à Boubou le vrai j'ai regardé tout à l'heure. Laura Duval. C'est le mec de Dragon Ball Z. Vous pouvez nous contacter par MP sur la page Facebook. Soit vous nous contactez directement sur la page Facebook, soit on vous enverra un mail ou un message. Sinon, vous pouvez nous envoyer un mail à contact@comicsradio.fr. Et vous devrez retirer. Bah, si vous êtes sur Montpellier, vous retirerez les. Mais on s'en occupera ça. Oui, on verra tout à l'heure. On va passer à la première pause musicale et c'est moi qui choisis. C'est Foo Fighters. Pretender. Ça va. Ça, on valide. Ouais. Yeah. moi je prends mes fiches, j'ai pas besoin de prendre des fiches, j'ai plus rien à dire, c'est plus moi qui gère. Donc on l'a pas dit, mais on va vous parler de Planetary. Vous êtes toujours sur Comics Discovery d'ailleurs, vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier, sur le 102.2. Et on va vous parler de Planetary, ça fait 30 ans qu'on se dit faut qu'on parle de Planetary. À chaque fois on change au dernier moment. 30-35 ans. Je change, effectivement. C'est une horreur de travailler avec James si je change le sujet toutes les 5 minutes. Ah, mais on va faire ça finalement. Là, cette semaine c'était bien, il a fallu que j'y demande ce qu'on faisait genre 2 heures avant. Oh, bah y'a qu'à faire Planetary. Oui, bah oui, ouais, tranquille. Ouais, ça, bon, c'est bah tu parles, c'est toi qui va commencer. Ah, tu me parlais du dessin ou du scénario, je ne sais plus. Scénario, rappelle-toi. Oui, ah oui, c'est vrai. C'est un merdier. Il y a eu des petits cafouillages dans cette préparation d'émission. On va appeler ça comme ça. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch série ? Non, de Planetary. Planetary, alors, voyez rapidement le scénariste Warren Ellis, qui est un vétéran des comics, un britannique, qui est souvent connu pour ses récits assez sombres, assez violents, ce qui est un peu le cas ici aussi. Assez barré. C'est barré, ouais. C'est l'un des mecs qui ont popularisé un peu le Dark Age, cette période dans les comics un peu plus sombre, un peu moins manichéenne, où vous n'avez pas forcément des héros très gentils qui se battent contre des vilains très vilains. Il a notamment commencé sur un titre Stormwatch qui est chez Wildstorm, qui est un ancien éditeur de comics un peu moins connu en France. Chez Image, non ? Chez Image. C'était chez Image, ouais. Après, je sais pas si c'est chez DC maintenant. Maintenant, ils sont fait absorber par DC et ouais. ça va relancer. Parce que Wildstorm, c'était le label de Jim Lee. Ouais, c'était le label de Jim Lee qui a bossé chez Image à un moment donné, qui a fait pas mal de super-héros. Ça a été édité en France, mais pas tant que ça. Il y a un peu moins de lumière que le reste. Ouais. Il a continué sur The Authority, qui était peut-être le plus gros délire de super-héros violents, sexe, drogue et compagnie des années 90-2000. Et sur Planetary, il y a 27 numéros US, 27 fascicules. Ça a mis très longtemps à apparaître, entre 1998 et jusqu'à 2009. Ça fait 5 reliés à peu près. Et donc on suit 3 personnages, Elijah Snow, Jakita Wagner et le drummer, qui font partie de l'organisation Planetary, qui est une organisation très très très puissante, très riche. Ils se définissent eux-mêmes comme étant des archéologues des mystères du XXe siècle, et donc ils passent leur temps à tenter de déterrer les secrets et tout ce qui est caché au sein de notre monde, pour les répertorier. Le début du comic, c'est donc quelques enquêtes qui ont l'air assez indépendantes, mais très vite il y a un fil rouge qui se met en place et on s'aperçoit qu'il y a un autre groupe encore plus mystérieux, encore plus secret, encore plus puissant, qui eux aussi veulent mettre la main sur tout ce qui se cache sous la surface de la Terre, sauf que eux c'est pour leur propre pouvoir personnel et ils ont beaucoup moins de scrupules que l'équipe de Planetary qui est déjà pas blanche. Et donc ça va finir forcément dans un affrontement épique et biblique. Et plutôt que raconter vraiment l'histoire, je voulais m'arrêter un peu sur le cadre et le contexte. Donc c'est vraiment ancré dans notre histoire du XXe siècle. On y parle de guerre froide, de Deuxième Guerre mondiale, de nazis forcément, parce qu'il y a toujours des nazis quand il y a des machins secrets et dégueulasses. Ça parle de conquête spatiale, beaucoup. Il y a aussi énormément de points sur la culture populaire. On y voit des kaijus, ces fameux monstres géants japonais dont Godzilla est le plus connu. On croise même Sherlock Holmes, et on croise un épisode, une ambiance très polar Hong Kong. C'est un énorme melting pot, un énorme mélange de plein de choses connues de l'histoire et connues de plutôt science-fiction, quoi. Mais c'est pas hétérogène du tout, c'est même très très bien écrit, c'est très très bien, très très bien mixé. Et donc ça parle beaucoup de mystères, de secrets, comme s'il y a un autre monde qui vivait un peu en dessous de la surface du nôtre. Ça rappelle un petit peu dans les grandes lignes un peu X-Files, un peu Fringe peut-être. Ouais, j'allais dire Fringe. Fringe. Ouais. Moi dans la construction, ça m'avait beaucoup pensé à 100 Bullets. Avec le côté oui, voilà. petit épisode d'un coup, et puis qui au final tu sens que tout est un peu relié. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Vrai que le côté Fringe, moi, c'est ce qui m'a sauté direct. Je me suis dit, pour des gens qui se connaissent pas trop en comics et qui veulent une bonne histoire sans avoir à se taper 50 ans de continuité de machin, ça c'est super bien parce qu'on a vraiment quelque chose qui se suit. Comme tu dis, ça commence par des petites enquêtes et après on a quelque chose d'énorme. Et c'est vraiment comme dans la série Fringe, on avait le même système. Voilà, c'est vraiment le monde tel qu'on le connaît, et derrière il y a une facette un petit peu cachée. On croise des explorateurs qui se battent dans le plus grand secret contre des monstres qui vivent sous terre, ou bien des héros qui, sans que personne le sache, ont repoussé une invasion d'une autre dimension. Il y a des fantômes, il y a de tout. Ouais, c'est ça vraiment, vraiment un énorme melting pot de plein de trucs. Et c'est vraiment lié aussi au monde des super-héros, parce que c'est lié au monde super-héros Wildstorm directement. Et puis il y a des références à peine cachées à Batman, à Superman, aux 4 Fantastiques, à Constantine. À Hulk, c'est pour bon, tout ça, c'est des univers qui du coup n'ont pas du tout le même éditeur, mais c'est vraiment, il y a vraiment des clins d'œil assez appuyés sans que ça soit illisible pour ceux qui les auraient pas captés. Et dans tout ce cadre-là, donc on suit cette fameuse équipe Planetary, qui elle-même est pleine de mystères. C'est vraiment le mot clé de toute l'œuvre, notamment autour de Elijah Snow, qui est un personnage vraiment curieux, qui fait partie de ces Century Baby, ces enfants nés un 1er janvier 1900 et qui semblent ne pas vieillir et être totalement ancrés dans ce siècle-là. Oui. On parle du mystérieux responsable de Planetary, qui ça peut être. Le quatrième homme, et qui sont vraiment cette organisation, ce groupe qu'ils affrontent à un moment donné. Et c'est, comme l'a dit James, ça se déroule petit à petit. C'est vraiment le type de comics qu'il faut lire avec pas mal d'attention et deux fois. Vous lisez une fois, vous vous laissez embarquer dans le mystère. À la fin, Warren Ellis satisfait totalement notre curiosité. Ouais. Et en le lisant une deuxième fois, vous voyez qu'il a vraiment fait un maillage exceptionnel. Tout se tient, même parfois des personnages ou des événements que vous pouvez avoir vus un peu en secondaire finissent par retrouver un écho à un moment donné. C'est vraiment très homogène, c'est vraiment, vraiment bien travaillé. Et si vous aimez faire des petites théories dans les séries, faire vos petites suggestions, voir ce qui va se passer après, ce comics, il est vraiment bien pour ça, parce qu'on trouve des petits indices, des trucs comme ça, et moi je sais que j'ai hâte de lire le tome 2. Ouais, c'est par parcellé, avec parcimonie. Voir... C'est vraiment bien construit. Et il y a une vraie fin. Et effectivement, il a fait un super travail. Moi, ça fait partie des incontournables comics hein, dans le top 10. Hein, effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme culture. C'est facile. C'est les références sont faciles. C'est une culture qu'il faut avoir. Parce que je pense que si on ne voit pas les références, tu perds un peu, mais elles sont assez mais faciles. Mais l'histoire, elle est prenante. Franchement, je me suis régalée. Ouais, c'est vraiment une ambiance parano, mystérieuse, secrète. Il arrive vraiment à faire monter sa sauce et on est pris dans le truc jusqu'au bout. Et la fin déçoit pas, en plus c'est vraiment à la hauteur d'un. Et toi t'as lu en entier là. Ouais, ça fait partie du truc que je me relis de temps en temps. Je pense que même en relisant 2-3 fois, tu vois des choses que t'avais pas forcément vues avant. Ok, est-ce que Faye, tu veux donner un petit mot sur le dessin quand même? Oui, je vais en parler juste pour dire, pour ceux qui sont impatients de voir la suite, ça sort le 13 janvier, donc bientôt. Oui, bientôt. Ça et le dessin, j'ai envie de dire que ça rejoint ce que disait Mathieu au point de vue du scénario, c'est-à-dire qu'on a plein d'ambiances différentes, mais qui finalement arrivent à être reliées ensemble. Bon. Alors le dessin, il est de monsieur, attendez que je vais bien prononcer son nom, John Cassady, merci James, que vous connaissez déjà parce qu'on vous en a parlé la dernière émission, parce que il a travaillé sur Star Wars en tant que dessinateur. Il a aussi travaillé avec le grand, le merveilleux, le peut-être qui sent très bon, je ne sais pas, Joss Whedon, c'est cet être magnifique sur un titre X-Men que je prononcerai très mal et que je vais laisser prononcer par un spécialiste qui est en face de moi. Stony Ching. Voilà. C'était pas une tête pensante de chez Marvel à un moment où il était rédacteur, directeur de rédaction, ouais. Je suis pas sûr. Ça doit être un autre. Ouais. Je confonds avec un autre. Bon, en tout cas, on a un dessin qui est vraiment, vraiment assez marqué dans ses personnages. Mmh. Il donne vraiment un pur look à chacun de ses personnages, à chaque personnage principal de l'équipe. On les reconnaît bien. Ils ont à la fois un côté inquiétant, un côté séducteur. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Toutes ces ambiances, il les travaille super bien et il les adapte à l'histoire. Donc, on va avoir des ambiances qui vont avoir un côté très 17. Après, oui, 70, c'est ça. Moi, j'ai pas survécu à la fin de l'année. Hein. Bon, bref. Non, mais vraiment, c'est son cadavre, on est en train d'animer son cadavre avec des tout ce côté genre vieux film de science-fiction, vous voyez, genre La Guerre des Mondes. Enfin, ouais. Ce côté plein d'ambiances différentes. On va avoir après une ambiance qui va être plus sombre, plus ténébreuse, un peu brouilleuse, comment on dit, brouillard. Tu vois, ouais. Le moment où on dit où ils sont à Londres, avec l'espèce de faux Constantine. Voilà, à chaque fois, il arrive à s'adapter à ce qu'il doit traiter au fait au niveau de l'histoire. Ouais. Mais on a toujours quelque chose d'homogène à la base grâce aux personnages, grâce aux codes justement de couleurs qui vont être assez flashy par moment. Enfin, ouais, c'est coloré, on a beaucoup de bleu, d'ocre. Enfin, vraiment, c'est une ambiance qui est punchy. Et comme je le disais, ces personnages, ils arrivent vraiment à être traités. Ils travaillent les jeux d'ombre et de lumière, un peu comme dans 100 Bullet, je trouve. Ouais, moi, j'ai un peu de mal avec ce dessinateur. Ses visages, notamment, je trouve pas très très beau. Je trouve c'est pas très fin. C'est très carré, en fait. Ouais, surtout c'est dans très le, carré, c'est pas le très personnage fin, de Snow, je dirais, c'est celui qui est le plus marqué, plus travaillé. Mmh. Et en même temps, je trouve qu'il arrive à faire ressortir des idées de scénario par le dessin, parce que quand tu vois le personnage justement de Snow, tu sens le vécu du gars. Enfin, tu sens les malaises des persos. C'est pareil, la fille, la Jaquita, c'est pareil, tu sens que ok, elle est séductrice et tout, mais tu sens qu'il faut pas la faire chier, quoi. Parce autant les décors et tout, c'est vachement beau, autant les visages, j'ai un problème avec les visages en fait. Mais là, on va faire des scènes qui sont mais majestueuses. Par exemple, il y a une histoire où c'est des aliens, on a tout le truc, ça nous rappelle un peu The Thing par exemple, là où ils trouvent l'espèce d'île et tout. Enfin, moi j'ai adoré, vraiment. Voilà. Est-ce que Johnny, on t'a donné envie de lire Planétari? J'avais déjà envie avant, en fait. Tu m'as donné le nom hier soir, du coup j'ai regardé rapidement ce que j'arrivais à trouver dessus dans l'intervalle de temps. Et effectivement, que ce soit au niveau dessin ou même au niveau de l'histoire, ça avait des côtés fringe justement que je trouvais très intéressant. Et il est sur ma liste là maintenant. Mais même en haut de la liste étant kilométrique, donc c'est pas rien. C'est vraiment prenant, quoi. C'est... Ok, bon bah je pense qu'on a tout dit sur ce que vous avez un dernier mot à dire sur Planétari. Allez l'acheter. Ouais. Et puis chez vous. Et la suite le 13 janvier. Ouais, je vais l'acheter. Et on va passer à la deuxième pause musicale, choisie par Faye. Donc c'est. In the Waiting Line par 07. Oui. Pourquoi tu l'as choisi? Parce que c'est tiré de la bande originale d'un film que j'adore, qui est Garden State par le génial Zach Braff. Que vous connaissez si vous aimez Scrubs, par exemple. Ouais. En plus, c'est approuvé par Tom à la technique. Donc, Bah c'est qu'il a très bon goût. et par toi. Bon, ouais. Bah voilà, c'est parfait alors. Bon, bah voilà, c'est bon. Thank you. Et c'était In the Waiting Line par Zero Seven, donc tiré de c'est lequel Garden déjà State. Garden State de ouais. Zach Braff. Un excellent vous film êtes... qu'il faut voir. Vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier sur le 102.2 et c'est Comics Discovery. Et on va passer à la les questions pour notre invité parce que comme vous l'avez entendu, nous avons un invité et tu vas lancer une tradition dans cette émission. Ah oui, carrément. Ouais, on va essayer. Hein. J'ai sélectionné, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait sorti une petite vidéo pour les gens qui ne l'ont pas vue et pour les gens qui ne savent pas que nous faisons des vidéos aussi sur la chaîne de la Michael du Geek. On avait sorti une vidéo avec les anciens membres de l'équipe où on répondait à 15 questions autour du comics. Et là, j'en ai sélectionné 5 parce qu'on n'allait pas te poser les 15. Quand même, ce serait peut-être un peu trop long. Et bah voilà, on va te poser 5 questions autour de comics et je pense qu'on va essayer de garder les mêmes à chaque fois. Pour à chaque invité, on lui posera les mêmes questions. Si vous êtes d'accord avec ce principe, ça vous va? Moi, je préfère le questionnaire de l'acteur studio. Oui, mais on s'en fout. Tu n'es pas acteur. Est-ce que tu es acteur, Johnny? Non. Et ben voilà. Mais tout le monde est acteur et l'acteur de sa propre vie. D'accord. C'était l'instant philosophique. D'accord. Merci. Ça, c'est à cause de Garden State. Ouais. Donc, première question, comment as-tu découvert les comics? Alors, en dehors des dessins animés et des films qu'il y avait à la télévision, parce qu'en fait, j'ai grandi à Dakar. Mmh. Et Dakar, donc la capitale du Sénégal, niveau comics papier, c'était pas tellement ça en fait. Et si tu dis grâce à l'émission, tu gardes un point. Grâce à l'émission. Voilà, maintenant tu peux enchaîner. Et en fait, je les connaissais déjà un peu, je savais que ça existait en bande dessinée, j'avais lu un Spider-Man quand j'avais 12 ans, mmh. Mais c'est surtout lorsque Avengers est sorti que j'ai commencé à sillonner Internet et que j'ai découvert Chris Samney et son Thor. Et j'ai découvert aussi les premières histoires de Thanos, à peu près au même moment, parce que voilà, j'ai vu Avengers, j'ai vu l'espèce de c'était gros Jim Starlin, ce qu'il avait fait, oui, Jim Starlin. Et voilà, en fait, j'ai vu Avengers, j'ai vu la tête de raisin là à la fin, et je me suis dit, tiens, il faut que je sache qui c'est, et j'ai découvert le personnage et c'était génial. Et voilà, en fait, j'ai commencé à lire les comics à partir de ça, et Hellboy aussi. J'ai demandé Hellboy à Noël, on me l'a refusé parce qu'on pensait que j'étais sataniste. J'apprécie le t-shirt, il a un t-shirt Hellboy. Magnifique. C'est beau. Voilà, donc c'est on m'a traité de sataniste, ça m'a renforcé mon envie. Quoi, vous avez pas vu mon t-shirt? Moi j'ai un t-shirt Iron Man. Voilà. Donc voilà, c'était principalement à cause des films qui m'ont lancé en fait sur Marvel et sur Hellboy en particulier. Ouais. Okay. C'est intéressant, ça veut dire que ça fonctionne en fait, oui. Effectivement. Après, il faut de la volonté quand même, parce que l'argument souvent c'est trop compliqué, etc. Alors du coup, si je peux me permettre une autre question en tant que premier, parce qu'à la limite, qu'on arrive à avoir un nouveau lectorat par les films, ouais. Et pourquoi t'y restais en fait? Comment est-ce que tu as pu, passer le... Parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est quand même compliqué de se lancer dans un univers. Bon, Hellboy ou même Chris Samney, c'est vrai que ça fait 2-3 références un peu plus concrètes. Mais comment t'as pu enchaîner derrière? Après, j'y suis surtout parce que, étant donné que je suis illustrateur, j'avais surtout besoin de dessins au départ. Et donc j'avais surtout beaucoup lu de manga quand j'étais ado, parce que c'était ce qui était le plus facile à trouver sur Internet. Et la raison pour laquelle je suis surtout resté sur les comics quand j'ai commencé à les lire, c'était principalement à cause des histoires et des graphismes différents. Il y avait beaucoup, beaucoup plus de diversité dans les graphismes dans les comics, contrairement à l'idée reçue que j'entends souvent. Il y a beaucoup plus de diversité, que ce soit au niveau des couleurs, du type de dessin, du trait, etc. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait un nouveau bouquin, il y avait un nouvel univers en fait à découvrir à chaque fois. Et même au niveau des histoires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les super-héros, il y a plein de bouquins de types de comics différents. Et en fait, je suis resté parce qu'à chaque fois, il y avait de nouveaux éléments à ajouter à ma liste, en fait. Et c'est un peu comme un puits où à chaque fois que tu prends une nouvelle gorgée d'eau, le goût est différent. C'est et du coup, je suis resté à cause de ça. C'est poétique, c'est bien. Ok, c'est une super réponse. On va passer à la deuxième question. Alors, c'est quel est ton dessinateur et ton scénariste favori? Enfin, j'ai mis T, donc tu peux en dire plusieurs. Oula. Je t'ai proposé d'avoir les questions à l'avance. Hein. Bon, j'ai déjà parlé de donc Mike Mignola qui a fait Hellboy, Chris Samney qui fait le dessin, qui fait le dessin pour. Alors, il a fait celui de Thor, mais là, il est surtout connu maintenant pour Daredevil et il est sur Black Widow en ce moment. Il y a Jason Latour que j'aime beaucoup, il y a Wes Craig que j'ai découvert avec Deadly Class dont je reparlerai tout à l'heure du coup. Oula, c'est vraiment compliqué. Après, il y a aussi des dessinateurs européens, que ce soit Franquin. Franquin, c'est un peu mon papa niveau bande dessinée. Spirou, c'est mon pote. Il y a Mana Renas que je connais assez peu, mais qui a fait un bouquin sur les licornes, c'est comme ça que je l'ai trouvé. Qui a un dessin très poétique. Pardon. Donc la liste en fait serait kilométrique. On va dire que mon préféré, mon dieu, ce serait Mike Mignola, donc le créateur de Hellboy. Ok. Et en scénariste aussi. Probablement pareil, oui. J'y reviens systématiquement. Ok. Alors, quel est ton film favori tiré d'un comics? T'as dit Hellboy. Oh. Le deuxième alors. Ah. Oui. Il est à égalité avec Spider-Man 2, le deuxième de Sam Raimi. C'est mes deux gros films tirés de bande dessinée pour moi. Ok. Bien. Ta rencontre la plus marquante avec un artiste? Faut dire avec James. J'en ai pas eu beaucoup en fait. C'est ça le truc. J'ai pas encore eu beaucoup d'occasions de rencontrer des artistes jusqu'à présent. Je dirais Ulysse Malassagne. Ok. Il a fait Kairos. C'était surtout celle-là que j'avais lue. C'était une bande dessinée en 3 tomes. C'est un français. Et bon, la rencontre en elle-même n'avait rien d'extraordinaire, mais c'était. J'étais en deuxième année d'illustration à l'époque. Et c'était quelqu'un qui, niveau tranche d'âge, est extrêmement proche de moi. Et il était surtout très sympa, en fait. Et je sais pas, ça donnait une dimension humaine. Parce que souvent, quand on lit les livres, en fait, on n'a pas tellement l'idée de la personne derrière qui a pu faire les choses. Donc de rencontrer la personne, de se dire... Déjà, il est humain, il existe, il a réussi à le faire, donc a priori, je devrais pouvoir y arriver relativement aussi. Et puis, il est normal, quoi. Il est arrivé, il avait des poches sous les yeux, il était super tôt et il était vachement sympa. Et voilà, donc en fait, la rencontre en elle-même était tout ce qui est le plus classique, mais c'est ce qu'elle portait, on va dire, comme message à titre personnel qui était surtout intéressant. Ok. Et quel est le titre que tu conseillerais pour débuter les comics? N'importe lequel, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est que mes goûts, c'est mes goûts. Donc, ce sont pas forcément vos goûts à vous. Et souvent, quand une personne veut commencer à lire des bandes dessinées, je lui parle un peu de ce que moi, j'aime bien, mais ensuite, je la laisse décider. Et l'un des meilleurs conseils que je puisse donner, c'est souvent, prends un personnage qui a l'air intéressant ou juste aller dans une librairie. Prends n'importe quel livre. En particulier, si c'est des super-héros, prends n'importe quel livre, du moment que le dessin a l'air relativement sympathique, et de juste commencer à lire. Ne pas se préoccuper de ce personnage à 70 ans d'histoire derrière lui, et juste se dire tout ce qui est utile à la compréhension de l'histoire est forcément dans l'histoire. Donc juste lire ça, et si t'aimes bien, tu liras d'autres choses à côté. J'ai commencé avec le Thor de Chris Samnee, et ça a très bien marché, et j'ai commencé à lire des bouquins qui se trouvaient au beau milieu d'autres histoires, et j'ai pas eu de soucis. Il y a des petits morceaux que j'ai pas compris, mais c'est pas grave, j'en suis pas mort, et vous non plus, a priori. Heureusement. Ok. Merci d'avoir répondu à ces 5 questions. Ouais, c'était très bien. Mais pour les gens qui ne savent pas, Juni est illustrateur. J'ai mis sur Instagram un de ses dessins, son bouffon vert, qui est vraiment génial. Et je sais pour les gens qui sont sur le groupe Les Comics à Montpellier, c'est pas grave, c'est maintenant. Oui, j'allais dire que j'allais peut-être renommer le groupe Comics Discovery complètement, mais je le ferai peut-être plus tard. Donc, tu t'avais posté tout ton Inktober, je crois que tu as fait le Inktober, c'est ça? Oui. Et c'était autour des super-héros, tu l'avais mis... Oui, j'avais fait... pardon. J'avais récupéré différents personnages et je me suis dit je vais les réinventer avec une esthétique ouest-africaine, donc récupérer les persos et les imaginer... Ah oui, c'était toi, d'accord. Ouais, c'est très bien. C'était super. Les imaginer genre Daredevil à Tombouctou... C'était très stylé, ouais. Voilà. C'est une bonne idée. Hein. J'adore ta réponse aussi, elle est vraiment géniale. Comment ça? T'es Rapunzel ou réponse? Oui. Je sais plus pourquoi j'avais pensé à ça d'ailleurs. Qui est assez drôle. Est-ce que on peut te retrouver où sur internet? Alors donc j'ai le Facebook déjà. Juni, J-U-N-I. Sinon il y a l'arrobase, parce qu'apparemment il y a un système d'arrobase sur Facebook, je sais même pas s'il marche. Ouais. Mais ce serait @JUNIBA. Art, A-R-T, donc Juniba Art. Ça marche une fois sur deux, je viens de le faire pour le nom des gagnants. D'accord. Ça marche voilà. Sur un des deux, c'est tout. Voilà, sinon j'ai le Tumblr Apple Serum, donc Apple comme... pardon. Apple comme les ordinateurs et Serum, S-E-R-U-M. Okay. Donc Apple Serum, voilà, mais surtout le Facebook en fait. Ok. Et t'as un Redbubble aussi si les gens veulent acheter des prints ou des trucs comme ça. Pas de Etsy encore? Non, pas encore. J'en ai ouvert un. J'ai juste pas encore mis de trucs dessus. Ok. Je suis encore un peu en train de laisser de comprendre comment tout ce fatra marche. Donc si quelqu'un veut un dessin ou une commande, voilà, pas te contacter. Ok, et bah c'est cool. C'est cool. Et bah, on va passer à nos coups de cœur et nos attentes avant de conclure. Ouais. Est-ce que tu avais envie de. Bah, peut-être qu'on va laisser l'honneur à l'invité qui voulait nous parler de Deadly Class, je crois. Ouais, Deadly Class. Alors en fait, le truc c'est que Deadly Class, la bande dessinée existe depuis un petit moment. Déjà, ça fait un ou deux ans, voire même plus. Et donc en fait, la BD est écrite par Rick Remender et dessinée par Wes Craig. Alors je vais essayer de vous présenter ça de manière concise et claire. L'histoire en fait de Deadly Class, c'est celle d'un garçon qui a, on va dire, 18 ans à peu près, qui est au début de l'histoire, il est SDF et il se considère comme étant la jeunesse Reagan, parce qu'il vit dans les années Reagan. Ses parents ont dû fuir le pays d'origine, le Nicaragua, parce que le gouvernement américain a joué avec les services secrets et son père s'est fait plus ou moins manipuler. Et ses parents sont morts quand ils sont arrivés aux États-Unis, écrasés par une femme malade mentale qui n'avait pas été gérée par le système de santé de l'époque Reagan et qui, en se jetant d'un pont, a atterri sur ses parents. Super. Voilà, et du coup, il a une vie pourrie et il est recruté par une école d'assassins. Donc, il n'y a pas de super pouvoir ou quoi que ce soit, je préfère prévenir les gens. Mais l'histoire, en fait, tient surtout au côté viscéral de chacun des personnages, qui est un adolescent qui est là plus ou moins parce qu'il est forcé. Chacun d'entre eux fait partie d'un gang ou d'un cartel d'un pays particulier. Et ils sont tous là dans cette école parce qu'ils sont censés apprendre à devenir les meilleurs tueurs possibles. Chacun d'entre eux a une raison pour être là. Il y en a qui veulent changer le monde, il y en a qui veulent tuer une personne en particulier, il y en a qui sont là parce que leurs parents les détestent et les ont mis là. Et on suit en fait les aventures de ces gamins qui se prennent de la drogue, essayent de gérer leur vie adolescente. Et l'histoire est horrible, je préfère prévenir, il y a beaucoup de choses assez tristes dedans, mais elle est extrêmement prenante. Ok. Et ben moi ça m'a hypé, j'ai trop envie de le lire maintenant, je l'ai pas lu. Je sais qu'il y a le tome 3 qui sort chez Urban, parce que ça, c'est chez Urban. Mmh. Le tome 3 sort dans pas trop longtemps. Comment ça s'appelle Merde, celui. Le Geek Chic nous en avait parlé. Thomas. Ouais, Thomas, le Geek Chic, voilà, je retrouve son nom. Nous en avait parlé en bien en disant que c'était une de ses attentes aussi de 2017 et qu'il avait beaucoup aimé le comics, donc c'est cool. Est-ce que Mathieu, t'as un petit coup de cœur, une petite attente Rapidement, oui, du Batman. Ouais. Donc là, je parle de VO, mais ça devrait sortir d'ici quelques mois en France. La fameuse série Detective Comics, le comics porte-étendard de DC qui existe depuis 1937. C'est qui dessus déjà en ce moment? Là, c'est James Tynion, quatrième du nom. Ouais. Petit protégé de Scott Snyder, l'ancien scénariste de Batman, dont on dit du bien quasiment toutes les semaines ici. Et là, c'est pour le coup, c'est un petit peu particulier. C'est un comics de groupe. Donc Batman est le leader un peu tactique, on va dire. C'est pas forcément le personnage principal. Okay. Après, vous avez d'autres personnages du Batverse, notamment. Et je crois qu'il y a spoiler. Il y a Batwoman qui est vraiment la leader de terrain, il y a Red Robin qui est le deuxième Robin, je crois. Ouais, c'est Tim Drake, voilà. Il y a troisième, il m'en manque au milieu. Ah oui, Red Robin. Oui, il y a ça y est, il y a trop. Il y a Spoiler, il y a Orphan et il y a même Clayface, l'ex-méchant, l'homme d'argile, celui qui peut se muter en ce qu'il veut. Okay. Et j'ai trouvé ça assez original. Et en plus, là pour le coup, c'est pas du tout ni comme Deadly Class ni comme Planetary, c'est du comics de super-héros avec des méchants. C'est assez popcorn, ça se lit sans se prendre la tête. C'est plutôt joli. C'est Eddie Barrows et Alvaro Martinez au dessin, que je connaissais pas plus que ça. Et c'est plutôt cool, c'est vraiment funky. C'est petit plaisir. Mais le Reboot Rebirth a l'air cool. Moi, il y a oui, ouais, c'est dans le cadre du Rebirth. Le Rebirth, c'est là, l'opération éditoriale de DC Comics qui date de quelques mois, qui a relancé pas mal de titres pour tenter de faire connaître son univers. Ouais. Effectivement, ça fait partie des bonnes surprises de Rebirth. Moi, de ce que j'ai lu, il y a le Green Lantern qui est bien aussi. Le Batman est pas mal. Enfin, ouais, c'est vraiment cool. Je sais pas. C'est pas Tom King sur Batman. Sur Batman, ouais. J'ai entendu. Il y a beaucoup de gens qui râlaient sur Tom King. Alors moi, j'ai râlé plutôt sur les dessins de Dave Finch que j'ai trouvé pas trop fini, curieusement assez hétérogène. Non, après Tom King, ce qu'il fait sur Batman, c'est pas mal. Ouais. Je sais pas comment ça sera édité en France. Il y a un petit fascicule sur les séries Batverse. En fait, j'en ai parlé. Bah, d'ailleurs, petite pub à Casabule, qui est une chaîne YouTube. Si vous avez envie d'avoir toutes les semaines une vidéo sur de la BD ou du comics cool, bah, allez-y, parce que c'est un couple de Lyonnais qui fait ça et qui sont vraiment très très très sympas. Et ils m'ont demandé pour justement pour les vacances, pour les fêtes. de leur faire une petite vidéo pour une attente que j'avais sur 2017, et c'était Rebirth. Et ce que j'explique dans la vidéo, que vous pouvez la voir si vous voulez, c'est qu'en fait vous allez avoir un gros tome où il va y avoir le one shot Rebirth de Geoff Johns, qui est génial parce que je l'ai lu et c'est génial. Et en plus, vous aurez tous les numéros 1 de Rebirth. Bien, c'est pas mal. Pour 35 boules. Donc ça fait un gros tome pour 35 boules. Et vous aurez un coup d'œil sur tout Rebirth. Donc vous saurez si vous avez envie de lire tel titre ou tel titre. Ça, pour se lancer du coup dans l'opération, c'est pas ouais, mal du c'est tout. C'est assez sympa, ouais. Mais est-ce que t'as une petite attente, Faye? Alors là, pour l'instant, c'est assez calme niveau attente. Mais je voulais juste revenir sur une attente que j'avais précédemment. On a l'épisode 8 maintenant. Qui était sur Trollhunter. Oui, non, l'épisode 8. Ah oui, Trollhunter. Ouais, Trollhunter, j'ai pu le voir. Donc la série de Guillermo del Toro. Qui est sur Netflix. Et je vous la conseille. C'est vraiment excellent. Ça reprend des éléments qu'il avait un peu développés dans Hellboy 2. Notamment, on a le marché des trolls qui ressemble pas mal au marché qu'on voyait. Le marché des trolls, il a le même nom. Aussi, ouais, je crois. Et il y a les designs de créatures et tout. Enfin, c'est super. Ça commence tout doucement comme un petit dessin animé voilà, classique, mais l'histoire prend de l'ampleur au fur et à mesure. On a des personnages qui sont travaillés normalement, surtout le héros, avec ses relations avec sa mère, les relations avec les trolls avec qui il est devenu ami, il se trouve un père de substitution. Enfin, on a plein de thèmes super intéressants justement sur l'adolescence, sur les relations familiales, en plus d'avoir une histoire fantastique qui est quand même super intéressante, qui a beaucoup d'action. Enfin, vraiment, je vous conseille cet animé. En plus, en VO, il y a Ron Perlman qui fait une voix d'un méchant, et en plus un méchant qui ressemble à Balrog, ça c'est génial. Et puis on a le regretté Anton, alors je suis désolée, j'arrive pas à dire son nom de famille, qui était dans Star Trek, ouais, qui était qui faisait le russe, la Pavlov, Chekhov. Je vais y arriver, Chekhov. Voilà, qui doublait le personnage. Alors c'est dommage parce que ouais, j'ai testé la VO et c'est dommage parce qu'il fait vraiment du super boulot. Donc c'est un peu triste, mais vraiment je vous recommande la série parce que déjà c'est cool, il y a des belles animations, les couleurs sont belles, les designs sont très Guillermo del Toro, l'histoire est prenante. Donc Je vais faire un peu le Grinch. Ouais. Moi j'ai vu les trois premiers épisodes et ça m'a vraiment. Mais il faut dépasser, les trois premiers épisodes sont gentils, c'est-à-dire ça met les choses en place. Il y a un côté dragon, la série dragon qui était un peu. Non, mais dragon est très enfantin et au bout d'un moment tu te dis c'est ça tire sur la corde raide. Mais là vraiment t'as une histoire qui se met en place et ça monte crescendo. C'est vrai qu'en mangeant tu regardais, mais du coup j'ai jeté un coup d'œil aux épisodes un peu plus. Ça m'a un peu plus. Ça devient un peu plus sombre par la suite et le méchant. Enfin, il y a plusieurs méchants, mais il y en a un qui est vraiment très très bien et voilà. Enfin, bref, je vous conseille. Ok. Et ben moi je vais parler de cette animation aussi puisque on l'a vu le 31 décembre avec parce que nous notre 31 décembre avec Faye nous étions au cinéma. Ouais. Nous sommes des vrais geeks. Et on a vu Your Name de Makoto Shinkai qui était vraiment génial. D'ailleurs je voulais finir avec une, parce que j'ai adoré la bande originale, donc si Tom tu peux nous envoyer le morceau en même temps. Donc moi j'ai pas trop envie de vous en dire parce que je pense que le moins vous en savez le mieux vous découvrez l'histoire. C'est mon film d'animation de 2016, je pense que c'est celui que j'ai préféré de tout ce que j'ai vu. Il a changé par rapport à tout à l'heure parce que c'était le meilleur film de 2016. Un des meilleurs films de 2016. On m'a dit c'est pas possible, c'est Batman versus Superman. Pourquoi tu mens? Allez, c'est parti. Bon, on va arrêter avec ce débat. En tout cas, si vous avez l'occasion, parce qu'il est au cinéma et on n'a pas beaucoup de films d'animation japonais au cinéma, donc franchement, si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez le voir parce que c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. J'ai vraiment tout adoré dans ce film. Je sais que Faye l'a un peu moins aimé. Moi, je trouvais ça assez classique et poétique. Enfin, c'est le style de romance japonaise habituel. Si vous avez aimé Le vent se lève de Miyazaki, je pense que vous aimerez ce truc, c'est un peu plus fantastique. Moi j'ai préféré Le garçon et la bête, mais franchement je ne peux que vous dire quelque chose, allez voir ce film parce qu'il est vraiment très très très très bon. Et on va finir sur ça. L'animation est très belle. On va finir sur ça. Oui, tu m'as coupé en plein dans ma conclusion, excuse-moi. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur le Tumblr et sur le Facebook de Juni pour aller voir ses superbes illustrations. Juni, et tu as dit quoi? Apple Serum sur Tumblr. Nous, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter @comicsdiscovery. Et le site internet comicsdiscovery.fr tout simplement. Voilà, les gagnants ont été marqués sur Facebook aussi, donc si vous n'avez pas entendu, direction sur Facebook pour aller voir si vous avez gagné le concours. Si vous avez gagné le concours de Noël ou pas. Moi je vous dis à la semaine prochaine Mathieu. Ouais, a priori oui, si on est encore là, ouais. Et du coup, ce qu'on vous a pas dit, notre petit invité était en fait un espèce peut-être de petit recrutement, voir si ça lui a plu, peut-être qu'il reviendra. Est-ce que tu... Ouais. Tu reviendras ? Eh ben, oh, c'est oui. Cool, on te dit à la semaine prochaine. Ouais. Faye, à la semaine prochaine. Ouais, si tu me dis qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. Oui, et on remercie si beaucoup Tom à la technique. Avant. Si merci, possible, un petit peu merci, avant. Voilà. Merci à toi. Et merci à Radio Campus Montpellier. Et voilà, on vous dit au revoir. See you. Allez, bye. À la semaine prochaine. J'avais oublié de vous dire, on sera rediffusé le vendredi de 9h à 10h. Donc voilà, si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter l'émission en entier, vous pouvez l'écouter maintenant. Voilà, allez, je vous laisse avec la musique.